8-9. Activation orale, numération. Phase 1. Énoncez les opérations suivantes. Ce sont des additions. Alors, vous voyez ces chiffres et vous dites 2217 plus 113 font 2330. 2. Sept cent vingt et un plus 344 font 1065. 3. Mille deux cent soixante plus 2280. Font 3540. 4. 10677 plus 13033 font 23710. Phase 2. Énoncez les opérations suivantes. Maintenant, ce sont des soustractions. Donc, vous voyez la soustraction, hein? Et vous dites 7321 moins 2552 sont 4769. 2. 694 moins 270 font 424. 3. 9999 moins 6666 font 3333. 4. 13745 moins 1407 font 12338.